إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui la quatrième partie de la conférence qu'on a intitulée La réponse à ceux qui appellent les salafis des madakhila. On entend de plus en plus des gens de Hizbiya et des gens de Bid'a qui accusent les salafis de roulou, d'exagération et d'extrémisme dans différents aspects de la religion. Et on entend de la part de différentes catégories maintenant, que ce soit de la part des gens de Bid'a qu'on connaît bien parmi les Ikhwan, et les gens de Tablir, dont on parle souvent, et maintenant aussi également des groupes qui sont apparus plus tard ou plus récemment, comme par exemple les gens du Tamir, les gens qui veulent essayer de dissoudre la pureté de la salafia par rapport aux principes, au manhaj des salafs, ou qui veulent adopter une voie plus large pour essayer d'incorporer dans la salafia toutes sortes de différentes personnes qui opposent les fondements de la salafia, qui cherchent des excuses pour les hizbiyin et pour les gens de bid'a et qui les défendent et qui font leur éloge. Et on voit également apparaître également aussi d'autres catégories de gens qui suivent la passion parmi les haddadiyah, qui attaquent férocement les ulama d'Ahl al-Sunnah et les imams de la Sunnah, et on les voit agir un peu comme les takfiriyin et suivre la voie des takfiriyin et défendre le takfir par toutes sortes de différentes shubuhat et se faire passer pour des salafis alors qu'ils travaillent pour le compte des hizbiyin aussi. Donc on voit de cette catégorie là aussi apparaître des fitan, et c'est incroyable parce qu'ils travaillent tous les uns avec les autres. On voit les haddadiyya par exemple qui font l'extrémisme dans différents aspects de qu'est-ce qui a rapport avec la salafia. Ils vont à l'extrême dans la critique des ulama et la critique de certaines personnes qui sont sur la sunna mais qui ont fait des erreurs par exemple. Ils vont dans l'extrême dans la critique à leur sujet. Ils dénigrent même les grands imams et les grands ulama de la salafia. Et donc, qu'est-ce qui arrive par la suite? C'est que les autres hizbiyin, ils utilisent ces attaques et ces insultes contre les ulama salafiyin pour essayer de dénigrer la salafia. Donc ils se lancent la balle entre eux, ils travaillent les uns pour les autres et les uns avec les autres. Donc Cheikh Rabi' al-Madkhali hafizahullah, il a réfuté tous ces différents groupes en même temps et tous ces différents partis en même temps et toutes ces différentes tendances en même temps, les uns après les autres, et il n'a laissé rien de ces groupes d'égarement et de ces tendances d'égarement. Donc ça, on va y revenir, mais on va commencer tout de suite à parler des caractéristiques et de son comportement. Donc le cheikh, il dit, le cheikh Abu Hammam Muhammad ibn Ali al-Sawma'i al-Baydani, qui est un de ses élèves, il dit صفاته وأخلاقه يمتاز حفظه الله بالتواضع الجم مع إخوانه وطلابه وقاصديه وزواره ويظهر ذلك يظهر ذلك التواضع في هيئته ومجالس ومجالسته حتى أن جليسه لا يمل من حديثه لأن مجالسته أو مجالسه عامرة بقراءة الحديث وكتب السنة والتحذير من أهل البدع وتوجيه الشباب إلى ما ينفعهم في دينهم. Donc parmi les caractéristiques et les comportements du cheikh, il a parmi les particularités du cheikh, c'est sa modestie. Il est très modeste avec ses élèves, il est très modeste avec ses invités et les gens qui viennent lui rendre visite. Et on voit cette modestie dans sa posture et dans ses assemblées lorsqu'il s'assoit avec les gens. Même que la personne qui vient s'asseoir avec lui et qui assiste à une assemblée qu'il fait chez lui lorsqu'il a des invités ou lorsqu'il y a des gens qui viennent le voir, eh bien, il ne va pas s'ennuyer de sa parole. Parce que dans toutes ses assemblées, dans tous les rassemblements qu'il fait chez lui lorsqu'il s'assoit avec des gens, dans son salon ou dans sa bibliothèque, eh bien, ces rassemblements-là sont toujours remplis de lectures, de hadiths et des livres de la sunna et d'avertissements contre les gens de bid'ah et d'orientation et de conseils envers les jeunes qui contiennent donc des conseils bénéfiques dans la religion pour les jeunes. Le cheikh il dit ensuite اهتمامه بالعلم ولديه حفظه الله اهتمام عجيب بالعلم وصبره على ذلك فطلابه يقرؤون عليه في كتب الحديث وهو صابر لا يمل ولا يكل بل تراه متيقظا متنبها إذا لحن القارئ رد عليه ويسأله عن رجال الحديث وفقهه وطرقه إذا كانت متعددة وفي اللغة وإذا جالسته في مكتبته الخاصة تتعجب من صبره على البحث والكتابة وإذا أراد البحث عن مسألة ووجدها في كتاب وهي منقولة من كتاب آخر يقول لا بد أن نعود إلى الكتاب المنقول عنه ودائما يقول لا تعتمدوا على الكمبيوتر استعينوا به ولكن ارجعوا إلى الأصول وذكر هذا عنه يطول. Donc le cheikh il explique, il dit اهتمامه بالعلم اهتمامه بالعلم, c'est-à-dire que le cheikh il donne beaucoup d'importance à la science et il dit lorsque donc le cheikh hafizahullah il donne une grande importance à la science et il est très patient et très endurant dans la science. Donc ses élèves ils lui lisent des livres de hadith et il est endurant, il ne s'ennuie pas de lire ces livres là et de les entendre, et tu le vois il reste éveillé et il fait attention lorsqu'on lui lit un livre ou lorsqu'on lui lit quelque chose. Et lorsque la personne qui lui lit le livre fait une erreur ou une faute dans la langue arabe ou dans la lecture du livre, eh bien, il le corrige tout de suite dans son erreur pendant qu'il lit. Comme la yani, et ça c'est l'habitude des ulama, lorsqu'un élève lit un livre à son cheikh, le cheikh il lui corrige ses erreurs lorsque l'élève fait des erreurs dans sa lecture. Donc, le cheikh il lui demande à propos également des narrateurs du hadith, les hommes qui sont dans la chaîne de transmission de ce hadith, et il demande à son élève également au sujet de la compréhension de ce hadith là et les différentes voies, s'il y a plusieurs voies pour ce hadith, différentes chaînes de transmission, et il demande également au sujet des questions par rapport à la langue arabe dans ces hadiths et des choses de ce genre. Et lorsque tu t'assois avec lui dans sa bibliothèque privée et que tu regardes comment il fait ses recherches et comment il écrit, eh bien tu t'étonnes de son endurance et de sa patience dans la recherche. Et lorsqu'il est à la recherche d'une question en particulier ou d'un point précis, et qu'il le trouve dans un livre, par exemple, comme étant une citation, ou que c'est quelque chose qu'on rapporte, eh bien, il trouve cette citation, il demande, hein, ou il dit, il faut aller voir dans le livre d'où cette parole-là a été tirée, hein, d'où cette parole-là a été citée. Il faut retourner à la source, il ne faut pas se baser sur qu'est-ce qui a été cité. Et il dit tout le temps, ne vous basez pas seulement sur l'ordinateur. Hein, ne vous reposez pas sur l'ordinateur pour chercher. Vous pouvez l'utiliser pour vous aider à la recherche, mais revenez à la base. Hein, revenez à la base. Et ça, c'est des exemples qu'on retrouve qui sont très très nombreux. Des exemples comme ça, on pourrait en mentionner beaucoup. Ensuite, le cheikh mentionne à propos du cheikh Rabi' حفظه الله, il dit تمسكه بالسنة. يقول وشيخنا حفظه الله شديد التمسك بالسنة صغيرها وكبيرها ويحث طلابه وزواره على ذلك وإذا رأى أحدهم فعل شيئا على أنه سنة يسأله عن الدليل وإذا ذكره يقول له مباشرة هذه المكتبة وهذه الكتب أخرجه لنا وإذا أخرجه الباحث يطلب الشيخ النظر في سنده وإذا كان حديثا نبويا لا يخرج الطالب إلا وقد استفاد يطلب الشيخ النظر في سنده إذا كان حديثا نبويا ولا يخرج الطالب إلا وقد استفاد وقد حصل لي معه حفظه الله ذلك مرارا. Donc, le cheikh, il mentionne, par exemple, à quel point le cheikh Rabi', hafizahullah, il est accroché fermement à la sunna, hein, et qu'il s'accroche à tous les aspects de la sunna, yani que ce soit petit ou grand, il fait des efforts pour s'y accrocher. Et il incite ses élèves, de même que c'est les gens qui le visitent, à s'accrocher également à la sunna. Et lorsqu'il voit l'un d'entre eux, parmi ses élèves ou ses visiteurs, qui fait quelque chose, une chose quelconque comme étant une sunna, eh bien, le cheikh, il lui pose la question au sujet de son dalil, c'est-à-dire au sujet de sa preuve. Et s'il rapporte sa preuve, hein, ou s'il mentionne quelque chose comme preuve, eh bien, il lui dit, voici la bibliothèque, voici les livres, ramène-le nous. Hein, et fais-le sortir pour nous. Donc, il demande à l'élève d'aller faire la recherche pour ramener la preuve de cette sunna ou de cette action qu'il fait, qu'il prétend être une sunna. Et lorsque la personne qui recherche ramène ce qu'il a trouvé comme preuve au cheikh, eh bien, si c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, le cheikh va vérifier l'isnad du hadith. Si c'est un hadith, il va vérifier la chaîne de transmission. Et le cheikh, il dit ensuite donc que l'élève, il ne sort pas de chez le cheikh, excepté qu'il a profité. Hein, il a bénéficié, il a profité du cheikh et il a augmenté dans sa connaissance et dans sa science. Et le cheikh Abu Hammam, il dit que cela est arrivé avec moi plusieurs fois. C'est-à-dire, des choses comme ça sont arrivées plusieurs fois avec lui. Ensuite, il dit Bourduhu shadid lil bid'ah wa ahliha. يقول وشيخنا حفظه الله لديه بغض شديد للبدعة وأهلها وهذا يظهر جليا لمن جالسه أو قرأ كتبه أو سمع أشرطته وتجده دائما محذرا المسلمين من تلك البدع وأهلها وينصح بعدم مجالستهم والركون إليهم ويرى ذلك من أسباب انحراف كثير من الشباب. الشيخ الذي que notre cheikh hafizahullah, il a une très forte haine contre la bid'a et contre les gens de la bid'a, et on le voit apparaître clairement dans ses assises, ou lorsque on lit ses livres, ou lorsqu'on écoute ces cassettes, on voit cette, on sent hein, cette haine que le cheikh a pour la bid'a et pour les gens de bid'a, et on le voit tout de suite dans ses livres également lorsqu'on les lit. Et tu le vois, le cheikh toujours en train de mettre en garde hein, les musulmans contre les bid'a et contre les gens de la bid'a. Et il va toujours donner le conseil aux musulmans de ne pas s'asseoir avec les mubtadi'a, de ne pas être avec eux, de ne pas les défendre ou des choses de ce genre. Et là. Ensuite, il dit وَيَرَى ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْحِرَافِ كَثِيرٍ مِنَ الشَّبَابِ. Il considère, le cheikh, que de s'asseoir avec les gens de bid'a hein, et d'être avec eux, c'est quelque chose qui est une des causes de la déviation et de l'égarement de beaucoup d'entre les jeunes. Ensuite, le cheikh dit « حُبُّهُ لِلسَّلَفِيِّينَ وَلَوْ كَانُوا بُعَدَى فِي الْمَكَانِ » وَلَوْ كَانُوا بُعَدَى فِي الْمَكَانِ. Donc, le cheikh dit « L'amour du cheikh pour les salafis, il aime les salafis, même si ce sont des gens qui sont loin, hein, qui sont dans des endroits éloignés. » Donc, le cheikh dit « وَعِنْدَهُ حَفِظَهُ اللَّهُ مَحَبَّةً شَدِيدَةً وَعِنْدَهُ مَحَبَّةٌ شَدِيدَةٌ لِلسَّلَفِيِّينَ ويظهر ذلك منه حفظه الله جليا عندما يزوره الوافدون من بلدانهم فإنه بعد السؤال عن حالهم يسألهم عن الدعوة السلفية وسيرها وعن السلفيين وأحوالهم وسمعته مرة يقول إنه يهمني السلفي ولو كان في اليابان وإذا هاتفه شخص من الخارج يسأله بقوله كيف الدعوة عندكم ويسألهم عمن يعرفهم وعن نشاطهم الدعوي وينصحهم بما يعرف أنه أهل لأن يدرسهم ينصحهم بما يعرف أنه أهل لأن يدرسهم فجزاه الله خيرا. Donc le cheikh il explique que le cheikh il aime beaucoup les salafiyins et il a un grand amour pour les salafiyins, et on voit cela clairement lorsque il a des visiteurs qui viennent hein, comme des délégations ou des visiteurs qui viennent de d'autres pays, et on voit que après que le cheikh leur ait posé la question comment allez-vous hein, ou à propos de leur état comment ils se sentent ou comment est leur situation, eh bien ils leur demandent au sujet de la da'wa salafia et comment se porte la da'wa salafia chez vous, comment vont les salafiyins, comment ils se portent, quelle est leur situation, quel est leur état. Et une fois je l'ai entendu qui disait moi la situation du salafi elle m'importe, elle me tient, elle est importante pour moi, même si c'était au Japon. C'est-à-dire, même s'il était au Japon, j'ai un intérêt pour ce salafi, je veux savoir de ses nouvelles. Et il dit, et lorsque quelqu'un téléphone de l'extérieur pour poser des questions ou bien pour demander quelque chose, eh bien le cheikh il demande comment se passe la da'wa chez vous, comment se porte la da'wa chez vous, et il leur demande également au sujet des gens qu'il connaît. Hein, il leur demande au sujet des personnes qu'il connaît dans ces pays-là. Donc, s'il sait qu'il y a un talib ilm ou quelqu'un dans un pays quelconque qui a des efforts dans la da'wa, eh bien, quand ces gens-là appellent ou des gens appellent de ce pays-là, eh bien, il leur pose des questions sur les personnes hein, pour savoir comment se porte un tel et comment se porte sa da'wa et comment il est hein, et des choses de ce genre. Donc, parce qu'il veut savoir comment se portent les musulmans et en particulier les salafis dans ces endroits-là. Et il va également encourager et donner le conseil à ceux qui l'appellent d'étudier auprès de ceux qu'il connaît, d'entre les gens qui sont dans ces pays-là, de qui ils peuvent prendre la science. Donc si c'est un talib ilm qui est dans un tel pays ou un autre, et qu'il le connaît, il va dire « Je vous conseille de prendre votre science d'un tel, je vous conseille de prendre votre science d'un tel, parce que lui, il est bien, et tout, et ainsi de suite. » فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا. Le cheikh, il dit ensuite « حُبُّهُ لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ » Son amour pour les étudiants en sciences. Le cheikh, il dit, « Wa cheikhuna hafizahullah yuhibbu talabat al-ilm, wa yatafakkadu ahwalahum, wa yas'alu anhum, wa yaqdi hawaijahum, wa yu'inahum, wa yashfa'u lahum bihasbi istita'atih, wa iza arafa anhum, man yarju an yanfa'allahu bihi l'islam » والمسلمين فإنه يهتم به فإن غاب أرسل إليه من يبحث عنه أو يهاتفه وإذا زاره طلاب العلم فإنه يلزم عليهم أن يبقوا إما للغداء أو العشاء وكثيرا ما يكون ذلك في طعام العشاء حتى إنك ترى الملتفين حول سفرة الطعام يتناقلون معه الفوائد ويسألونه وهو يجيب دون تدجر. Donc le cheikh il dit que notre cheikh il aime les étudiants en sciences et les gens qui recherchent la science et il cherche à avoir des nouvelles à leur sujet pour savoir comment ils vont lorsqu'il ne les a pas vus pendant longtemps ou lorsqu'il n'a pas eu de leurs nouvelles, il se renseigne à leur sujet et il cherche à avoir des nouvelles d'eux pour savoir comment ils vont il cherche également à les aider s'ils ont un besoin quelconque, il les aide, il essaie d'intercéder en leur faveur pour les aider s'il est capable et s'il connaît par exemple qu'un d'entre eux peut faire du bien à l'islam et aux musulmans et que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte que les gens profitent avec cette personne-là, eh bien il lui donne un intérêt et lorsque la personne est absente, eh bien il envoie quelqu'un pour le chercher ou bien il l'appelle au téléphone et s'il a des étudiants qui viennent le visiter, eh bien il les invite à rester pour le souper ou à rester pour manger, et souvent c'est le souper, lorsqu'il y a vous dites pas le souper, vous dites en France, vous dites le dîner peut-être, donc le manger du soir, et tu le vois comme le cheikh, il invite donc les gens pour manger, et bien entendu là-bas en Arabie Saoudite, les gens ont l'habitude de manger par terre, et on place un genre de soufra, on appelle soufra, c'est comme un genre de papier en plastique qu'on met par terre et on dépose les plats dessus pour pas que ça tombe par terre. Et donc chacun il a une soufra, donc les gens s'assoient autour de cette soufra et ils mangent ensemble. Et donc pendant que les gens sont en train de manger, ils s'échangent des points bénéfiques au sujet de la science et il pose des questions et le cheikh leur répond sans aucun problème. Après il dit wa amma fi shahr ramadan fala tas'al an kathratihim yahduroon darsan fi at-tafsir min ba'd al-'asr ila al-maghrib thumma yafturoon 'indahu hatta anna makan at-ta'am yamtali wa ba'dahum yabqa waqifan hatta yaqoom alladhi qablah. Il dit, en ce qui concerne le mois du Ramadan, t'as même pas besoin de poser des questions, c'est encore plus que ça. Les gens viennent à son dars dans le tafsir, après la prière de Asr, ils restent jusqu'au Maghreb, et après le Maghreb, ils font l'iftar chez lui, et tout le monde mange, il y a de la nourriture, et il y en a même tellement qu'il y a du monde, des fois, qu'il y en a qui sont obligés de rester debout, pour attendre que quelqu'un se lève lorsqu'il termine, pour pouvoir s'asseoir lui aussi, pour pouvoir manger. Donc ça, c'est quelque chose, on n'a même pas besoin d'en parler, c'est quelque chose, si on en parlait, ce serait très très long à mentionner. سعيه في رأب الصدع الحاصل بين السلفيين وله حفظه الله تعالى اهتمام بالغ في رأب الصدع الحاصل بين السلفيين وذلك بحل مشاكلهم والإصلاح بينهم وأنك لتتعجب على صبره لذلك ولقد حضرت بعض المجالس وهو يعظ أحد الأطراف ويلاطفه ويذكره بالله أن يحافظ على جمع الكلمة ولا يكون سببا في تقطيع أواصر الأخوة بين السلفيين، وقد يشد عليه ويريه أنه على خطأ ويستدعي الطرف الثاني ويكلمه بما كلم به الأول، ولا يحابي أحدا كائنا من كان حتى لو استدعى ذلك بالمكالمة الهاتفية، يفعله كما فعل مع بعض السلفيين بفلسطين، يكلم أحدهم ويطلب منه إحضار الطرف الثاني، ويحاول جاهدا أن يؤلف بينهم مع إخواننا السلفيين بمصر وكذلك إخواننا السلفيين في اليمن وتلامذة شيخنا الوادعي، وخلافهم فإنه يحاول قدر الإمكان أن يؤلف بينهم، ويرى الجميع سلفيين وينصحهم بعدم تحزيب بعضهم بعضا وأن الكل على منهج سلفي. سمعته يقول لأحدهم: والله لو كان الطرف الآخر أهل بدع أو أصحاب حزبية لسحت بهم. Donc le cheikh il explique que cheikh Rabi' hafizahullah il essaie toujours de régler les troubles et les conflits qui existent entre les salafiyins. Et il donne à ça une grande importance. Il essaie de régler les problèmes et de faire la réconciliation entre eux. Et des fois, tu vois que le cheikh, yani, il essaie de régler les problèmes entre deux personnes ou entre des personnes. Et tu t'étonnes de voir à quel point le cheikh, il est patient et endurant dans ces situations-là. Et il dit, j'ai assisté à des assises ou à des assemblées où il donnait des conseils à deux côtés, à des gens qui étaient divisés parmi eux, ou certains qui avaient des conflits entre eux, et il parle à un côté, et il lui parle avec douceur, et il lui rappelle d'Allah, il lui rappelle également de préserver l'unité, et l'union, et de pas être une cause de division entre la fraternité, entre les salafiyins, et il insiste avec lui, et il lui montre son erreur, il lui montre son erreur, et il appelle le deuxième parti, l'autre parti, et il lui parle la même façon qu'il a parlé avec le premier, et il ne fait de compromis ou de cadeau à personne, peu importe qui la personne est. Et il dit que jusqu'à ce que parfois même c'est par téléphone que ça se passe aussi, des fois quand il y a des conflits, des gens appellent de d'autres pays, et bien il parle avec des gens, comme c'est arrivé avec des gens parmi les salafiyins de la Palestine, et bien il parle avec un, et puis après il demande, il dit amène l'autre, donne à l'autre, amène l'autre au téléphone, ou amène-le au téléphone, je veux lui parler. Alors il parle avec le deuxième, et il essaie, il fait tous ses efforts pour essayer de les rassembler, de les réunir. Et la même chose avec nos frères salafiyins en Égypte, et la même chose avec nos frères salafiyins au Yémen, et les élèves du Cheikh Muqbil al-Wadi'i, lorsqu'ils ont eu des conflits, la même chose, il essaie de, le plus possible, de les réunir et de régler les problèmes entre eux. Et il voit qu'ils sont tous des salafiyins, et il leur donne le conseil de ne pas se diviser en groupe les uns les autres, de ne pas se faire des partis les uns les autres, et qu'ils sont tous sur la voie des salafs, qu'ils sont tous sur le manhaj salafi. Et je l'ai entendu une fois dire à l'un d'entre eux, par Allah, si l'autre partie était parmi des gens de bid'ah ou des gens de hezbiya, eh bien j'aurais crié sur eux, j'aurais été sévère avec eux. Et il dit, wa kullu tarafin min al-atraf yansahuhu bil-rifq ma'a al-taraf al-akhar wa qad yaghdabu wa yashuddu ala ba'dihim ishfaqan alayhi وقد حضرت مجلسا غضب فيه وما رأيته غضب في مجلس مثل ما غضب في ذلك المجلس، وكان إذا انتهى من نصيحته يأخذ المنصوح ويقول له اعذرني يا ابني إن شددت عليك من أجل مصلحتك وينصح بترك الغلو وبالرفق في الدعوة وإذا كان عند الآخر خطأ فيعني فليكن بالحكمة والمناصحة إذا كان عند الآخر خطأ فليكن بالحكمة والمناصحة وأن الكل أهل السنة فجزاه الله خيرا الشيخ الزيك chaque partie, parmi les parties, lorsqu'il parle avec des gens qui sont en conflit, eh bien, il donne la nasiha avec douceur, hein, et il parle avec l'autre partie également avec douceur. Et des fois, c'est arrivé qu'il se met en colère envers certains d'entre eux, par amour pour eux, par affection pour eux, et il dit que j'ai assisté à une assemblée ou à une assise, où le cheikh s'est mis en colère. Il dit, je n'ai jamais vu le cheikh se mettre en colère comme je l'ai vu se mettre en colère dans cette occasion-là. Et lorsqu'il a terminé de donner la nasiha, eh bien, il a pris la personne à qui il a parlé et il lui a dit, pardonne-moi si, ou excuse-moi si, j'ai été dur avec toi, mais c'est pour ton bien. Hein? Et il lui donne le conseil de ne pas aller dans l'exagération, de ne pas tomber dans l'extrémisme et de faire preuve de douceur dans la da'wa. Et s'il voit par exemple une erreur chez l'autre, hein, chez quelqu'un d'autre, eh bien, il demande de faire la. Lorsqu'il donne la nasiha, donc il dit abandonnez l'extrémisme, soyez doux dans votre da'wah, et si vous voyez une erreur chez l'autre, eh bien, faites la nasiha et changez-la avec sagesse et avec le bon conseil, hein. Et, il dit, vous êtes tous des gens de la sunna, hein. Donc, jazakallahu khayran. Donc, après le shaykh, il dit, wa munasahatuhu liman, وجد عنده انحرافا عن المنهج السلفي. Donc le cheikh il donne la nasiha, Cheikh Rabi il donne la nasiha lorsqu'il trouve quelqu'un qui a une déviation dans du manhaj as-salafi, il lui donne la nasiha. Donc il dit ولديه اهتمام بمناصحة المخالف وصبره وصبره عليه يصل ذلك إلى سنوات وقد مكث يناصح بعضهم من انحرفوا عن منهج أهل السنة فترة تزيد على 7 سنين ويستخدم حفظه الله جميع الوسائل التي يرى أنها تكون سببا لإعادة ذلك الشخص إلى جادة الحق فإنه قد يخبر أقرب الناس له إذا كان يرى في ذلك مصلحة ويطلب منه مناصحته وكما عرفت عنه ذلك بنفسي وإذا بلغه عن أحد من أهل السنة أنه قال قولا خالف فيه الحق فإنه يقول للناقل لا تنشر هذا فلعله بغير قصد وأعطاني المرجع لكلامه وسوف أناصحه ويرجع عما قال إن شاء الله. Donc, lorsqu'il entend que quelqu'un qui est salafi commence à défier ou des choses de ce genre, eh bien, il a un grand intérêt pour essayer de. Il donne beaucoup d'importance à donner la nasiha à la personne qui contredit la sunna ou la salafia. Et il a une patience. Il y a une très grande dans ça. Lorsque parfois on entend que le cheikh également, il a attendu pendant des années, hein, même jusqu'à 7 ans, lorsqu'il a entendu que une personne commence à dévier du manhaj de Ahl Sunna, hein, il leur donne la nasiha pendant ce temps-là et il leur parle et il leur dit de revenir, hein, et il utilise tous les moyens possibles pour leur faire parvenir. Le message ou la nasiha et il pour les faire revenir à la vérité et parfois il peut donner l'information à quelqu'un qui est plus proche de la personne s'il considère que il peut y avoir un bienfait dans ça et bien il parle avec quelqu'un qui est proche de cette personne pour lui donner la nasiha et il dit j'ai su ça à son sujet, yani, c'est-à-dire j'ai su ça de lui, que yani, par moi-même j'ai constaté qu'il a fait ça, il a parlé à des gens qui sont proches de quelqu'un qui a des déviations pour lui parler, pour lui faire la nasiha. Et s'il entend que quelqu'un parmi les gens d'Ahl Sunnah a dit une parole qui est en contradiction avec la vérité, eh bien, il dit à la personne qui lui transmet cette parole, ne diffuse pas cette chose-là. Ne diffuse pas cette parole. Hein? Peut-être qu'il n'a pas eu cette peut-être que c'était pas son intention. Peut-être que c'est pas ça qu'il voulait dire ou des choses comme ça. Ramène-moi la référence de cette parole. Hein? Je vais lui donner la nasiha. Et donc, c'est-à-dire, il demande à la personne de ne pas le propager et de ramener la preuve et la référence, et que lui, il va lui donner la nasiha et des choses de ce genre. Et il espère que la personne revienne de son erreur, Inch'Allah. Donc, ça, c'est des exemples du comportement du cheikh et comment il agit. Hein? Et c'est important donc de comprendre, parce qu'il y a des gens qui essaient de donner une mauvaise réputation au cheikh par rapport à des gens qu'ils ont vus agir d'une certaine façon, et ils pensent que ça c'est nécessairement quelque chose qui correspond à l'exemple du cheikh. Mais c'est pas parce que quelqu'un agit comme ça qui par exemple se réfère à par exemple au cheikh Rabi' et lui il a un comportement ou une attitude que ça veut dire que ça c'est l'attitude du cheikh. Il faut distinguer entre l'attitude de la personne qui a lu les livres de Cheikh Rabi' ou qui par exemple écoute les dourous de Cheikh Rabi' ou des choses comme ça, et l'attitude du Cheikh lui-même, c'est deux choses différentes. Donc ça c'est très important aussi, parce qu'il y a des gens qui font une injustice au Cheikh en critiquant le Cheikh par rapport à le comportement de certains qui parle de lui ou qui fait des éloges du cheikh ou des choses de ce genre. Donc il associe le cheikh à cette personne, même si cette personne qui fait des éloges du cheikh peut-être n'a pas nécessairement le bon comportement ou des choses de ce genre. Donc ça c'est un point qui est très important aussi à faire, de pas juger le cheikh pour les erreurs d'autres personnes. Ensuite, le cheikh il dit aussi wa kurhuhu lil madhi wal itra'i nasran kana am shi'ran. Donc le cheikh Rabi', il déteste qu'on lui fasse des éloges et des glorifications, que ce soit en texte ou en poésie. Yani, il déteste qu'on lui fasse des éloges. Et le cheikh il dit wa inda cheikhina kana Allah la كراهية شديدة للمبالغة في المدح والإطراء ويقول إنه يضر الممدوح ويصيبه بالغرور وقد جاء شخص قبل مدة بقصيدة فقال له عندي قصيدة أريد أن أقرأها عليك فقال الشيخ ما في ماذا قال سأقرأها فقال له مرة ثانية في ماذا قال فيك يا شيخ فقال له لا أريد أن أسمعها قال الشيخ فغيرها هذا الرجل لأحدهم وسماه لي فكانت من أسباب انحرافه عن المنهج السلفي الله المستعان. يعني سبحان الله. Il dit que lorsque le cheikh il n'aime pas, c'est ça, il a une haine des glorifications exagérées ou que des gens lui fassent des éloges, il déteste cette chose. Donc il dit, le cheikh il dit que lorsqu'on fait des éloges à quelqu'un et qu'on exagère en le glorifiant, eh bien c'est quelque chose qui fait du tort à la personne que tu glorifies, et ça peut même arriver à faire tomber la personne dans le fait de se sentir comme si elle est quelque chose, hein, de plus grande que qu'est-ce qu'elle est vraiment, puis elle peut être trompée, elle se trompe elle-même par la suite à cause de ça. Le cheikh il dit que quelqu'un est venu quelqu'un est venu avec une qasida qu'il a écrite, c'est-à-dire comme un genre de poème pour glorifier quelqu'un. Et il lui a écrit donc cette qasida et il a dit au cheikh, je vais te la lire, je vais te lire ce poème que je t'ai écrit. Le cheikh a dit, c'est à propos de qui, c'est à propos de quoi? Et la personne, il a dit, je vais te la lire et tu vas savoir. Le cheikh, il a dit encore une fois, c'est à propos de quoi? Et la personne a répondu, il a dit, c'est à propos de toi, cheikh, que je l'ai écrit. Le cheikh, il dit, je ne veux pas l'entendre. Alors, le cheikh a dit, change-la et écris-la pour quelqu'un d'autre. Hein? Et il l'a changé, hein? Et il dit, ça a été une cause de la déviation de cette personne du manhaj salafi. Donc c'est grave. Hein? Il dit, wa sami'tuhu yunasihu sha'iran sha'iran salafiyan bi an yatanabbah min al-ghulu wa al-itra. Il dit, je l'ai entendu donner le conseil à un poète salafi, hein, et lui dire de faire attention à propos de l'exagération et de la glorification à l'itra, lorsque tu fais l'éloge de quelqu'un de façon exagérée. Le cheikh il dit, قُلْتُ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّاعِرُ قَالَ حَقًّا لَا مُبَالَغَةَ وَلَا إِطْرَأَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَرِهَهُ مَنْ قِيلَ فِيهِ هَذَا مَنْ قِيلَ فِيهِ فَهَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّوَاضُعِ مِنْهُ وَمِنْ هَذَا قَوْلُ بَعْضِ الشُّعَرَاءِ فِي شَيْخِنَا حَفِظَهُ اللَّهُ وَاصِفًا نَقْدَهُ لِأَخْطَاءِ سَيِّدِ قُطُبٍ. Donc le cheikh il dit, bon, le cheikh Abu Hammam il dit, je dis que si le poète, quand il fait son poème à propos de quelqu'un, il n'exagère pas, et il ne tombe pas dans l'exagération, dans la glorification, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de le faire. Même si la personne n'aime pas, et c'est uniquement dans par rapport à sa modestie, le fait que la personne est modeste, elle n'aime pas ça, même s'il n'y a pas d'exagération, dans ce cas-là, c'est pas grave, hein, la personne peut le faire, on peut le faire quand même. Et il y a par exemple un des poètes, c'est le frère, le cheikh, il dit notre frère Abu Rawah al-Mouri, qui habite à Jeddah, il a fait un poème à propos de Cheikh Rabi en décrivant sa critique des erreurs de Sayyid Qutb. Donc il dit, فَمِنْهَاجُهُ فِي النَّقْدِ مِنْهَاجُ نَاصِحٍ لينصر هذا الدين في كل معقل أزاح ستار عن عوار لسيد وضمنه نصحا أضاء كمشعل ففي كشفه رد لزيف مصطر فلولاه بعد الله ما كان ينجلي هذا فكم في كتبه قد بدت لنا مزالق أخطاء تنوء بكلكل فكيف إذا شاهدته في ظلاله وقد نال من موسى النبي المبجل فأصبح يرمي بالتعصب شخصه ببالغ عقل هابط متقول ففي كتبه طعن وخدش صحابة كأمثال عثمان العظيمة التبتل وكذلك لم يثبت صفات إلهنا على منهج الأسلاف عند التأمل فذلك رب الكون ليس بمستو على عرشه في نهج كل معطل وقد عمي الإخوان عن كل زلة يسطرها قطب في صفر مفصل. Donc ça c'est le poème que le frère a écrit, et dans son poème en fait qu'est-ce qu'il fait, il explique comment le cheikh a fait la critique et comment il a montré les déviations et les faussetés qui sont dans les livres de Sayyid Qutb, et qui nous a montré ces erreurs-là clairement dans son livre Zilal al-Qur'an, comment il a attaqué le prophète Moussa alayhi salam, et comment il a parlé également contre les Sahaba et contre Othman en particulier, et comment il nie par exemple le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de son trône, quand il dit que au lieu de dire que Allah est au-dessus de son trône, il explique que al-istiwa c'est al-haymana, et beaucoup d'autres exemples que yani on connaît à propos de des erreurs de cette photo. Eh bien, le frère, il les a mis sous forme de poème. Eh bien, c'est vraiment un exemple ici, comment quelqu'un peut faire un poème à propos de quelqu'un sans tomber dans l'exagération, en décrivant le bien qu'est-ce que la personne a fait. Ouais, il y a aussi un autre poème que le cheikh Abdul Salam bin Burgess, il a écrit à propos de cheikh Mohammed bin Hadi. Hein, c'est un super beau poème, comment il décrit comment le cheikh Mohammed bin Hadi a fait un grand effort pour lutter contre les hizbiyyin, et comment il a défendu la sunna. Je l'avais la dernière fois, bon, je vous le lirai peut-être une fois inshallah, ça vaut la peine. Donc le cheikh, il dit: وآثاره العلمية ولشيخنا حفظه الله آثار علمية هائلة منها ما يلي. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va énumérer les différents écrits de Cheikh Rabi' حفظه الله, et ça va nous permettre en même temps de comprendre aussi son manhaj dans la réfutation aussi en même temps. Donc le Cheikh, il a énuméré des livres de Cheikh Rabi', et il en a mentionné 51. Ben, il y en a beaucoup plus que ça maintenant, mais c'est juste les livres qui sont publiés ou qui sont publiés depuis. Le cheikh dit: wa li cheikhina hafizahullah athar ilmiya ha'ila wa minha ma yali bayna al imamain muslim wa ad-darqutni wa hiya risalatu magister qaddamaha li jami'at al malik abd al aziz far' makkah في عام 1397. Donc il a écrit sa thèse de magistère, on dit magistère en arabe, c'est la maîtrise. Il l'a présentée à Jami'atul Imam, l'université de Al-Malik, le roi Abdul Aziz, la branche de Makkah, en 1397 de la Hijra. Également ensuite, le deuxième, تحقيق كتاب النكت على ابن صلاح للحافظ ابن حجر وهي رسالته لدرجة الدكتوراه العالمية من جامعة الملك عبد العزيز فرع مكة. Donc le cheikh, il a également fait son doctorat, et son doctorat c'était de faire le تحقيق du livre de l'imam ابن صلاح qui s'appelle النكت. C'est le livre de Ibn Hajar al-Asqalani qu'il a écrit, qui s'appelle An-Nukat ala Ibn Salah. Et donc Cheikh Rabi', il a fait le tahqiq de ce livre. Hein, c'est un très très bon livre dans Mustalah al-Hadith. Ensuite, il dit donc qu'il a reçu donc le degré de docteur en présentant cette thèse ou ce travail, ce tahqiq, à l'université de Al-Malik Abdul Aziz, la branche de Mecca. Le troisième livre, Abwa Islamiyya ala ba'd al-afkar al-khati'a. Donc, les lumières islamiques sur certaines idées ou pensées erronées ou incorrectes. Donc, c'est un livre qu'il a fait qui clarifie des égarements dans la aqida de certaines personnes. C'est une petite risala, un petit livre très bénéfique. Ensuite, comme quatrième, Makanatu Ahl al-Hadith wa ma'athiruhum wa atharuhum al-Hamida fi al-Din. Donc ça, c'est un livre, Makanatu Ahl al-Hadith, c'est-à-dire le statut des gens du Hadith. Le statut des gens du Hadith et leurs effets louables dans la religion, hein, et leurs traces louables dans la religion. Donc, il parle dans ce livre-là des bienfaits des gens du hadith et qui ils sont, il les décrit. Il a également écrit un livre qui ressemble un peu à ce titre-là, je ne sais pas si c'est le même, non, c'est un autre. Oui, c'est ça. On va en parler tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, ensuite, le cinquième, تحقيق كتاب المدخل إلى الصحيح للحاكم النيسابوري مع التكميل والتوضيح للمدخل إلى الصحيح. Donc, il a fait également la vérification du livre ou le tahqiq du livre Al-Madkhal et la Sahih, écrit par l'imam Al-Hakim Al-Naysaburi, avec également Al-Takmil ou Al-Tawdih, l'Al-Madkhal et la Sahih. Donc ça, ça fait partie des ouvrages du Cheikh au sujet du hadith et de la science du hadith. Le sixième, Manhaj al-Anbiya fi al-da'wati ila Allah fihi al-hikma wal-aql. Ça, c'est un livre qui réfute les gens de bid'a au sujet de la méthodologie qu'on doit adopté pour faire la da'wa. Et donc, il réfute les hizbiyin et les ikhwan et tablir à propos de la da'wa. Et il réfute également les sururiya. Donc, il réfute les tablir dans leur façon de faire la da'wa. Et il réfute les sururi qui, eux, appellent à, par exemple, des idées comme la politique, d'établir un état islamique ou un khilafa ou des choses comme ça. Et ils prennent ça comme objectif dans leur da'wa. Donc le cheikh, il explique dans ce livre-là que la méthode des prophètes dans leur da'wa, dans la da'wa qu'ils font, c'est pas d'établir un état ou de faire un gouvernement ou de ces choses-là, mais c'est d'établir le tawhid et la aqidah et d'appeler les gens à la ilaha illallah et les avertir contre le shirk. C'est ça la base et c'est ça l'objectif principal et c'est à ça donc que les prophètes ont appelé et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Donc il réfute dedans le livre de Mohamed Sourour. Mohamed Zain Abidine Sourour qui a écrit un livre par le même titre. Mohamed Sourour, il a un livre avec le même titre et dans son livre il dit que par exemple les livres de Aqida sont les jeunes s'en écartent parce que ils mentionnent des textes du Coran et de la Sunna et ça c'est quelque chose qui est sèche et donc c'est pour ça que les jeunes s'en échappent et s'en écartent. Donc, il y a des ulama qui ont parlé de cette parole-là de Zain Abidine Sourour. Ils ont mentionné que d'écrire les textes du Coran de la Sunna comme étant sèches, c'est une parole de kufr. Donc, on voit ici comment cette personne, Sourour, est un égaré. Et Cheikh Rabi', il a écrit donc ce livre-là pour répondre à ses égarements et à l'égarement de plusieurs d'entre les des gens de bid'a par rapport à ce sujet-là. Un autre livre, le numéro 7, Muzakkiratul Hadith al-Nabawi. C'est un petit livre dans lequel le cheikh il a choisi certains hadiths au sujet du tawhid et de la sunna. Et il fait une petite explication de ces hadiths-là, un petit peu comme un sharh du hadith. Et je ne me rappelle plus exactement combien il y a de hadiths dedans, mais il y en a quelques-uns. Donc c'est un petit livre très bénéfique pour enseigner les bases de la aqida et du manhaj à des débutants, c'est très très bénéfique. Le livre numéro 8, Ar-Radd al-Mufhim ala man i'tada ala sahih al-Imam Muslim. Donc ça c'est un autre livre que le cheikh il a écrit et c'est une réfutation si je me rappelle bien, c'est une réfutation de je pense c'est Mohamed Awama ou quelque chose comme ça. À propos des choses qu'il a dit à propos de Sahih Muslim ou des choses comme ça, et il les réfute sur les transgressions qu'ils ont fait contre le Sahih de l'imam Muslim. Le point numéro 9, donc ça c'est des réfutations qui sont plus reliées à la science du hadith et aux questions qui ont rapport avec le hadith. Le point numéro 9, منهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح وضحت الشبهات حوله. C'est-à-dire la méthodologie de l'imam muslim dans la classification de son sahih, de son livre, et la réfutation des shubuhat qui ont été émises à son sujet. Donc ça aussi c'est une réfutation qui se rapporte à la science du hadith et qui réfute les gens qui ont émis des shubuhat contre le sahih de l'imam muslim. Le dixième livre, c'est le livre كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها نقد بعض آرائه. Donc ça c'est un livre que le cheikh Rabi' il a écrit qui réfute les paroles de Mohamed al-Ghazali, le contemporain, celui qui était en Algérie, c'est-à-dire c'est un Égyptien, Mohamed al-Ghazali, un des chouchs de l'Azhar, et qui était parmi les gens qui faisaient partie du groupe des Ikhwan al-Muslimin, et qui a fait beaucoup de désordres dans les pays musulmans, et en particulier en Algérie. Et je pense qu'il était à l'université de Constantine. Eh bien, c'est un des chouchs de l'égarement de ce siècle. Il a prêché toutes sortes d'idées parmi les idées des modernistes, des aqlaniyin, partie de ceux qui rejetaient les hadiths authentiques parce qu'elles étaient en contradiction avec la civilisation occidentale. Donc, tout ce qui est contraire aux idéologies occidentales et aux principes occidentaux, eh bien, lui, il les rejette même si c'est des hadiths authentiques. Donc, ça, c'est un petit peu de. Ça, c'est un exemple de son manhaj, mais il y a beaucoup d'autres exemples de ça dans ses livres. Donc, Cheikh Rabi' et beaucoup d'autres ulama ont réfuté Al-Ghazali pour ses propos contre la sunna et contre les gens de la sunna, et donc ce livre là c'est un des très bons livres qui a été écrit pour réfuter Al-Ghazali. Le livre numéro 11, تحقيق كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. Donc Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il a un livre qui s'appelle une règle apparente et claire au sujet du tawassul et de la wasila. Donc c'est-à-dire tawassul, les soufis, ils utilisent ce terme pour essayer de tromper les gens en leur faisant croire qu'on a le droit de prendre pour intermédiaire les prophètes et les saints en dehors d'Allah. Donc eux, les soufis, on le sait, ils s'adressent aux prophètes, ils leur demandent la baraka, des choses de ce genre, ils font le tawaf à leur tombe, ils font des pèlerinages à leur tombe, ils adorent les morts, ils leur font des sacrifices, et ainsi de suite. Donc, ils veulent pas qu'on leur dise que qu'est-ce qu'ils font, c'est du shirk, alors ils essaient d'employer des termes pour essayer de mélanger les gens, et donc ils disent, nous, on fait pas ça, on fait le tawassul. Donc, des fois, qu'est-ce qu'ils font, c'est ça. Et il y a l'exemple de ceux qui adorent les saints et les morts directement, comme qui leur demandent directement la guérison ou des choses de ce genre, et il y en a d'autres qui le font pas de cette façon-là, sauf qu'ils demandent à Allah au nom du prophète ou au nom du statut. Par exemple, ils vont dire, je demande à Allah par le statut du prophète ou par le nom du prophète ou des choses de ce genre. Et ça, c'est des innovations, c'est une innovation et c'est très grave. Et même que ça peut amener au shirk. Ça peut amener au shirk. Donc, c'est très très grave. Et c'est pour ça que les ulama ont interdit de faire ça, puisque c'est contraire au Coran et contraire à la Sunna. Et le tawassul dans l'islam, c'est tout à fait différent de ça. Le tawassul, selon le Coran et la Sunna, c'est de demander à Allah, de demander à Allah, mais par ses noms, c'est-à-dire par les noms d'Allah, et de demander à Allah par des bonnes œuvres qu'on a faites. Mais pas de demander par quelqu'un, ou par le statut d'un prophète, ou par un prophète, ou des choses de ce genre, ou par un saint, ou des choses comme ça. Ça, c'est une innovation. Et si tu demandes directement au saint, ou directement à un prophète, ça, c'est du shirk akbar, du shirk majeur. Donc, ça, c'est un très, très, très bon livre de Cheikh Ibn Taymiyyah, et Cheikh Rabi', il a fait le tahqiq de ce livre. C'est-à-dire, il est retourné au manuscrit, qui était écrit avec la main, et il les a pris, il les a vérifiés, il a fait la correction des erreurs, il a tout ramené les citations à leurs sources, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle le tahqiq, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Le douzième, c'est taqsim al-hadith ila sahihin wa hasan wa da'if, بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين رد على أبي غدة ومحمد عوامة. Donc tout à l'heure j'ai dit Mohamed Awama, c'était pas pour l'autre, je pense que c'était pour celui-ci qu'il a réfuté Abu Ghudda et Mohamed Awama, qui sont des soufis, qui sont des Asha'ira Maturidiya extrémistes. Et Abu Ghudda, c'est l'élève de Al-Kawthari, qui était un des des gens qui défendaient la aqida des Jahmiyyah, qui niaient les attributs d'Allah et qui détestaient Ibn Taymiyyah et des choses comme ça. Donc ce livre là c'est au sujet de la classification des hadiths en sahih, hasan et da'if, et il explique donc des erreurs qui ont été faites par rapport à ce sujet là par Abu Ghudda et son élève Muhammad Awama. Donc ça c'est un autre livre au sujet du hadith et une réfutation au sujet du hadith aussi. Le livre numéro 13, At-Ta'assub al-Zamim wa Atharuhu. Ça aussi c'est une autre risala du Cheikh Rabi' qui parle du fanatisme, de suivre des gens et de s'accrocher fanatiquement à l'opinion de quelqu'un ou d'un madhab ou des choses de ce genre, et comment c'est blâmable et ses effets. Donc ça c'est un très bon livre aussi. Le point numéro 14, Sadd Udwan al-Mulhidin wa Hukm al-Isti'ana ala qitalihim bi ghayr al-Muslimin. Donc ça c'est un livre qui a été écrit, c'était durant la première guerre du Golfe. C'est le Cheikh Rabi qui l'a écrit ce livre là pour répondre à ceux qui disaient que c'était pas permis de prendre l'aide des Américains contre les partis du Ba'ath, parti Ba'ath de Saddam Hussein en Irak. Donc il a écrit ce livre là pour montrer les preuves que c'est permis de faire al-isti'ana dans le combat contre les mouchriquins et les kuffars. Donc c'était un très bon livre qu'il a écrit, et il y a beaucoup de points intéressants là-dedans. Et le cours qu'on fait sur al-wala wal-bara maintenant à la fin de semaine, le samedi, haqiqatul wala wal-bara, on a mentionné beaucoup d'épreuves au sujet de al-isti'ana qui sont mentionnés justement par le Cheikh Rabi' dans son livre. Ils sont mentionnés dans le cours qu'on a fait, le cours sur al-wala wal-bara le samedi. Le point numéro 15, ou le livre numéro 15, c'est Manhaj Ahl al-Sunnah wal-Jama'a fi naqd al-rijal wal-kutub wat-tawa'if. Ça c'est un très très très bon livre aussi. C'est la méthodologie des gens de la Sunna dans la critique des individus, des livres et des groupes. Et c'est un livre dans lequel il explique, il mentionne les preuves et les clarifications au sujet de la question des critiques qu'on fait aux gens et aux livres et aux groupes. Et il réfute en particulier dans ce livre-là la bid'a de al-muwazanat, c'est-à-dire d'essayer de faire croire aux gens que pour être juste dans l'islam, il faut mentionner le bien et le mal de tout le monde. Même si c'est des innovateurs, tu dois mentionner le bien pour être juste. Tu dois pas dire que tu dois pas te limiter que à mentionner leur bid'a. Tu dois aussi mentionner le bien qu'ils ont fait pour être juste envers eux. Et Cheikh, il mentionne que ça c'est de l'égarement. Il montre les preuves de la contradiction qu'il y a dans cette méthodologie là, et que c'est pas ça la méthodologie de Ahl Sunnah. Et vraiment c'est un des très très bons livres à ce sujet là. Dommage que il n'est pas encore traduit en français. En anglais, les frères, ils ont déjà traduit ça, ça fait des années déjà. Il y a plein de ces livres-là qui ont déjà été traduits en anglais depuis des années. Même, par exemple, Manhajul Anbiya, Da'wat ila Allah, il était traduit en 1998. En 98, il était déjà traduit en anglais. Donc, c'est juste pour vous dire comme on est loin de la situation, donc il y a ça. Puis après, le Cheikh il dit, ah oui, il y a un autre livre aussi après, c'est Ahlul Hadith, Hum al-Ta'ifatul Mansoura, Al-Najia, Hiwarud ma'a Salman al-Auda. Ça c'est un livre que Cheikh Rabi il a écrit pour réfuter Salman al-Auda. Parce que Salman al-Auda il a écrit un livre à propos des Ghuraba, puis dans ce livre-là, je pense, il a écrit que il fait une distinction entre al-firqatu al-najia et al-ta'ifatu al-mansoura. C'est-à-dire, il disait que le groupe victorieux et la secte sauvée sont deux groupes différents. Dans al-firqa al-najia, il catégorisait, par exemple, il disait ceux-là, al-firqatu al-najia, c'est-à-dire la secte sauvée, c'est les gens du hadith, les gens qui étudient la science du hadith, les choses comme ça. Puis, At-Ta'ifatul Mansoura, c'est les groupes qui font le djihad et des choses comme ça. Donc, il disait ça, c'est en même temps pour essayer de défendre les Hizbiyyin, et pour essayer de critiquer les salafis. Et allez, en tout cas, Cheikh Rabi, il a écrit ce livre, Ahlul Hadith, Hum Ta'ifatul Mansoura ou Al-Firqatul Najia. Il a expliqué qu'il n'y a pas de différence entre Ta'ifatul Mansoura et Al-Firqatul Najia. C'est un seul et même groupe hein, qui sont appelés par différents noms. Et ce sont les gens du Hadith. Hein, et il a mentionné ça avec les citations des salafs et les preuves. Et même les paroles des ulama contemporains comme Cheikh Ibn Baz et d'autres également pour réfuter les idées tordues de Salman al-Ouda. Allah musta'an. Donc le livre numéro 17, Adwa'un Islamiyya ala Aqidati Sayyid Qutb wa Fikrihi. Donc ça c'est un des livres aussi qui a démasqué et dévoilé les égarements et les déviations et les fausses croyances qui sont dans les livres de Sayyid Qutb et dans ses écrits. Et c'est un livre vraiment intéressant et très bon, très important pour tout musulman qui veut comprendre la réalité de l'islam. Beaucoup de gens aujourd'hui, parmi les gens qui s'intéressent à la da'wa et à la salafia et à l'islam, ils se demandent pourquoi on critique Sayyid Qutb. Parce qu'à un certain moment donné, en Arabie Saoudite et ailleurs, il y a des ikhwan qui sont rentrés hein, et ils ont commencé à propager la da'wa des ikhwan là-bas en Arabie Saoudite. Et c'est pour ça que des idées extrémistes sont rentrées dans la société saoudienne à partir de ce moment-là, parce que beaucoup d'entre ces ikhwan avaient fait des études universitaires avant dans leur pays. Et donc, quand ils sont rentrés en Arabie Saoudite, étant donné que l'Arabie Saoudite avait un grand besoin de professeurs à ce moment-là, eh bien, ils les ont engagés et puis ils les ont aidés, hein, puisque dans leur pays, ils étaient opprimés, ils étaient dans des difficultés. Donc, on leur a ouvert les portes. Et ils en ont profité pour propager en Arabie Saoudite leurs idées de révolution, puis leurs idées de takfir, puis leurs idées de... Il y a toutes sortes d'idées qu'ils avaient d'extrémisme, et ils utilisaient les camps d'été et il y a toutes sortes d'autres activités parascolaires aussi pour enrôler les jeunes et les faire accepter les idées qu'ils avaient. Et ils ciblaient en particulier les élèves qui étaient les meilleurs, hein, quand ils trouvaient des élèves qui étaient meilleurs en maths, en sciences ou dans différents domaines, eh bien, pour les féliciter, ils leur donnaient des cadeaux, par exemple, des livres de Sayyid Qutb, hein, et des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a une catégorie des jeunes en Arabie Saoudite, d'une certaine génération. Tu les vois, ce sont tous des Qutbiyin. Beaucoup d'entre eux sont des Qutbiyin, parmi les médecins, les ingénieurs, les docteurs, des gens comme ça. Tu les vois, c'est des Saoudiens, mais ils n'ont pas étudié le manhaj salafi ou la aqida des salaf. Ils ne connaissent que le manhaj des hizbiyin. Nasallallahu al-afiyah. J'en ai rencontré plusieurs d'entre ces jeunes saoudiens-là, ici à Montréal, lorsqu'ils venaient étudier, beaucoup d'entre eux, et bien tu réalises qu'ils sont sur la voie des hizbiyin. Nasallallahu al-afiyah. Et donc, ce livre-là, Adwa Islamiyya, à la aqida de Sayyid Qutb wa Fikrihi, eh bien, il réfute bien comme il faut les élèves, les idées de Sayyid Qutb. Et il les mentionne point par point et il les réfute avec les explications et les preuves. Donc ce livre-là, il a fait un grand bruit dans la Ummah parce que partout, lorsque ce livre est sorti, les gens ont été surpris. Parce qu'ils ont dit, ah, comment ça se fait? En Arabie Saoudite, beaucoup de gens maintenant défendent Sayyid Qutb. Et quand ils parlent de Sayyid Qutb, ils le mentionnent parmi les ulama, comme ils vont mentionner par exemple Ibn Taymiyyah, l'imam Ahmad, ils vont mentionner Ibn Taymiyyah, ils vont mentionner Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, et après ils vont mentionner Sayyid Qutb, comme s'il faisait partie de cette catégorie-là. Et donc, Allah al-Musta'an, alors que c'était un écrivain, un journaliste, quelqu'un qui avait peut-être une culture, dans le sens qu'il a fait des études et des choses comme ça, qu'il a mémorisé le Coran, mais ça ne fait pas de lui un alim, et encore moins quelqu'un qui connaît la aqida des salafs et le manhaj des salafs. Donc, même à un certain moment de sa vie, il a même remis en question la foi. Il est parti aux États-Unis, et après il est tombé dans les idées des communistes et des socialistes. Donc, il a fait la propagation de ces idéologies-là pendant un bon bout de temps. Et donc, c'est pour ça que c'est important de savoir justement la réalité des idées de cette personne-là. Et aujourd'hui, si vous voulez savoir quelqu'un qui ressemble beaucoup à cette personne et à ses idées, c'est-à-dire Sayyid Qutb, eh bien regardez Tariq Ramadan, vous avez l'exemple parfait de Sayyid Qutb presque, hein, ce qui nous ressemble beaucoup à ce genre d'individu-là. Et c'est pour ça que on s'étonne de voir il y a des gens qui se prétendent salafis ou qui se disent salafis et qui cherchent à défendre un individu qui avait une aqida complètement tordue et un manhaj complètement dévié et qui était parmi ceux qui justement prônaient les révolutions, les révoltes, qui se moquaient des ulamas, qui se moquent des prophètes, qui insultent les sahaba. Il y a plein d'erreurs comme ça, il y en a plein dans ses livres, dans ses écrits. Et malgré tout, tu vois ces gens-là essayer de le défendre. Il y a un autre livre aussi que le Cheikh a écrit, aussi le livre numéro 18. Al-Hadd al-Fasil bayn al-Haqq wal-Batil. C'est-à-dire la ligne qui tranche clairement entre la vérité et le faux. La limite entre la limite qui tranche entre la vérité et le faux. C'est un livre que j'ai commencé à traduire, mais j'ai pas encore terminé. Donc, je suis en train de travailler dessus depuis un bon bout de temps, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour que je le termine. C'est une discussion, un dialogue avec le Cheikh Bakr Abou Zayd à propos de l'aqida et du manhaj de Sayyid Qutb. Et vous savez que Bakr Abou Zayd, à un certain moment donné, il a comme un petit peu changé d'attitude. Au début, il écrivait des livres pour défendre la sunna, puis à un moment donné, il a comme changé un peu. Donc, il a écrit, à un moment donné, une lettre de 4 pages, et dans cette lettre-là, il défendait Sayyid Qutb par rapport au livre de Cheikh Rabi'a. Parce que Cheikh Rabi'a, plusieurs de ses livres qu'on a mentionnés jusqu'à maintenant, beaucoup d'entre ces livres-là, en particulier les livres de Manhaj al-Aqida, qui réfutent les Hizbiens comme Sayyid Qutb et qui expliquent le Manhaj des Salafs dans la critique et des choses de ce genre, beaucoup de ces livres-là, le Cheikh, avant de les publier, il les envoie à des ulama. Comme par exemple, le livre Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah, il est préfacé par Cheikh al-Fawzan. Okay. Le livre, par exemple, Manhaj Ahl al-Sunnah, yani Manhaj Ahl al-Sunnah wal-Jama'a fi Nakhd al-Rijal, et ainsi de suite, il est aussi la même chose, il a envoyé des ulama et pour le faire lire avant de le publier. Le livre Adwa Islamiya, ala Aqidati wa Sayyid Qutb wa Fikrihi, la même chose. Cheikh Rabi, il a envoyé des ulama avant de le publier pour le faire lire, pour voir si c'est correct. Et ils lui ont tous répondu avec une réponse positive et puis lui ont dit que c'était un très bon livre. Et sauf Bakr Abou Zayd, lui qui a écrit ces 4 pages-là et qui a défendu Sayyid Qutb, eh bien, Cheikh Rabi lui a répondu. Il a répondu à ces 4 pages qui étaient vraiment condensées, remplies de choubouhat. Eh bien, Cheikh Rabi, il les a toutes découpées une par une et puis il les a clarifiées en un livre de 150 pages. Et Ani Jazahullah Khairan, c'est un très très bon livre, même c'est un de ses meilleurs livres à propos de, justement des égarements de Sayyid Qutb, puisqu'il clarifie plein de choubouhat de ceux qui essaient de défendre Sayyid Qutb contre les réfutations de Cheikh Rabi. Donc c'est un très très bon livre celui-là. Le livre 19, An-Nasiha, hiya mas'uliyatul mushtaraka fi al-amal al-da'awi. Donc il parle dans ce livre-là ici, le Cheikh, de l'importance de la nasiha et que c'est une responsabilité commune pour le travail islamique. Un autre livre que le Cheikh a écrit, livre numéro 20, Al-Awasim mimma fi Sayyid Qutb min al-Qawasim. C'est-à-dire les choses qui préservent contre les erreurs de Sayyid Qutb, qui sont les erreurs dans les livres de Sayyid Qutb, qui brisent le dos. Donc, ce livre-là, c'est un livre vraiment intéressant aussi, parce qu'il réfute Sayyid Qutb sur certaines idées par rapport à des aspects qui sont pas nécessairement comment je pourrais dire, il faudrait que je retourne au livre pour vous donner des exemples, mais ça aussi c'est un très très bon livre, puisque comme vous avez souvent entendu des gens qui défendent cette kutub, qui parlent au nom de la charia et qui disent ils veulent défendre la charia et des choses de ce genre, eh bien ce livre là c'est parfait pour ce genre, cette catégorie de personnes, puisque il montre comment Sayyid Qutb lui-même oppose yani la charia dans plein de points, qu'il même appelle à légiférer des lois qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Il appelle à juger selon autre que la loi d'Allah, et il parle au sujet de la religion d'une façon yani complètement sans respect. Donc c'est pour montrer que ceux qui le défendent sur cet aspect-là, eh bien, s'ils lisaient ces livres, ils trouvent dans ces livres des choses qui sont vraiment graves. C'est un petit peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ressemble aux paroles de Tariq Ramadan, parce que c'est la même méthodologie et le même manhaj, hein. Le manhaj des soi-disant des gens qui se prennent pour des intellectuels et qui parlent d'eux-mêmes et qui disent tout ce qui oppose à la religion et qui prétendent par la suite vouloir défendre la religion. Allah musta'an. Et ce livre-là, il a été préfacé même par Cheikh Al-Albani. Ce livre-là, le Cheikh, il l'a envoyé à Cheikh Al-Albani pour le relire, et Cheikh Al-Albani, il lui a écrit même une note, avec sa main, il lui a écrit une note dans le livre, et il lui a dit yani, que tout ce qu'il a écrit sur cette kutub dans ce livre-là, c'était la vérité, et il félicitait Cheikh Rabir au sujet de ce livre. Un autre livre aussi qui est intéressant, c'est le livre 21, Mata'in Sayyid Qutb fi Ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, c'est un livre vraiment merveilleux aussi. Il parle des attaques de Sayyid Qutb contre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans ce livre-là, il va ramener tout ce que Sayyid Qutb a dit par rapport aux Sahaba et comment il parle d'eux avec dénigrement, et comment il les rabaisse, et comment il leur manque de respect, et en particulier certains d'entre eux comme Othman ibn Affan, et d'autres également. Donc il a la même attitude que les Rafidah, parfois quand il parle de certains Sahaba. Yani. Donc ça c'est un très bon livre aussi. Un autre livre aussi qui est vraiment bon, aussi qui est très intéressant et très important, c'est le livre qui est le livre 22 qui s'appelle Al Mahajjatul Bayda fi Himayat As-Sunnah Al-Gharra min Zallat Ahli Al-Ahwa'i wa min Zallat Ahli Al-Akhta' wa Zayr Ahli Al-Ahwa'. C'est un livre vraiment intéressant, et il répond dans ce livre là aux choubouhat des gens qui amènent le manhaj de la Mouazanat aussi. Et il explique donc comment les gens de la Sunna ont protégé la religion contre les déviations des gens des erreurs et des gens de la passion. C'est un très très bon livre. Et ce livre-là, lui aussi, il a été préfacé par plusieurs ulama, comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Rajihi, également Cheikh Ibn Uthaymeen, je pense. En tout cas, plusieurs d'entre les ulama, puis leur fatwa est mentionnée aussi dans l'introduction de ce livre, leur fatwa est mentionnée sur la question aussi. Un autre livre qu'il a écrit, c'est Jama'atun wahida la jama'at, siratun wahid la asharat, hiwarun ma'a al-shaykh Abdul Khaliq, Abdurrahman Abdul Khaliq. Donc ça c'est une réfutation de Cheikh Rabi' qu'il a écrit contre Abdurrahman Abdul Khaliq. Et Abdurrahman Abdul Khaliq, c'est une personne avec qui Cheikh Rabi' a étudié. Donc il connaît Abdurrahman Abdul Khaliq, il a été compagnon avec lui. Donc il a, pendant des années, il lui a fait la nasiha. Il lui a parlé. Et jusqu'à la fin, quand il refusait de venir, eh bien là, de revenir à la vérité, eh bien le cheikh, il a publié ses livres, comme ce livre-là qui dit un seul groupe et non pas des groupes, et un seul chemin et non pas des chemins. C'est-à-dire qu'il y a un seul chemin et un seul groupe à suivre. C'est le groupe d'Ahl Sunnah. Parce que le cheikh Abdurrahman Abdul Khaliq, lui, c'est un Égyptien qui suit la voie des Ikhwan et des Sururiyah, et il est au Koweït, hein, il rentrait dans les parlements, puis des trucs comme ça, et dans les élections. Il a beaucoup d'erreurs dans le manhaj, dans la aqida aussi. Et donc, lui, il défendait les groupes de djihad, les groupes de takfir, des choses comme ça. Donc, Cheikh Ravi, il l'a réfuté, parce qu'il défendait justement ce genre de groupes-là, qui sont des partis islamiques, ou des groupes islamiques, des groupes de djihad, des choses comme ça. De même qu'il dénigre les ulama dans ce livre-là, c'est-à-dire Abdurrahman Abdulkhalid, dans un de ses livres qu'il a écrit au sujet des jama'at, justement, il dénigre les ulama et il manque de respect aux ulama. Donc c'est Allah musta'an. Après, il y a un autre livre, c'est le livre 24. C'est aussi une réfutation d'Abdurrahman Abdulkhalid. Non, c'est pas celui-là. Oui, c'est ça. Al-Nasr al-Aziz ala radd al-Wajiz. حوار مع عبد الرحمن عبد الخالق صوصي ستون رفتاسيون عبد الرحمن عبد الخالق aussi le livre 25 التنكيل بما في توضيح المليباري في الأباطيل. Donc il réfute dans ici c'est une réfutation qui rapporte plus au hadith et il réfute un individu qui s'appelle المليباري. Le livre numéro 26, Izhaq Abatil Abdul Latif Bashmil. Donc ça, c'est une réfutation d'un autre individu, qui s'appelle Bashmil. Si je ne me trompe pas, il fait partie des Haddadiyya et il dénigrait Sheikh Al-Albani. Il a beaucoup d'autres erreurs. Bon, j'ai pas lu ce livre-là, mais ça fait partie aussi des livres qu'il a écrit, le Sheikh. Un autre livre qu'il a écrit, Inqidad Ash-Shuhab Al-Salafiyya ala Awkar Adnan Al-Khalafiyya. Donc ça c'est le livre 27, c'est une réfutation que le Cheikh a écrit de Adnan Ar'ur, un livre qu'il a écrit contre Adnan Ar'ur. Et ce livre là je me souviens, quand j'étais à la Jami'a, le livre il est sorti, il n'était pas encore publié, c'était des feuilles imprimées, et j'avais pris une copie quand j'étais parti en Jordanie. Ça c'était quand je retournais à la Jami'a pour rentrer à la faculté de hadith. J'étais parti en Jordanie pour aller prendre mon visa, parce que j'étais venu en Arabie avec un visa de Umrah. Donc pour pouvoir retourner à la Jami'a, il fallait que je sorte et que je rentre avec le visa d'étudiant. Donc j'ai décidé d'aller en Jordanie puisque c'était plus proche que de retourner au Canada. Et donc, de la Jordanie, je suis revenu. Mais avant d'aller chercher mon visa, j'étais allé chez Ali Hassan. Je suis resté quelques jours là-bas. Et c'est moi qui lui ai amené la copie photocopiée du livre qui était sorti de Cheikh Rabi. Et quand il l'a vu, il semblait pas trop réjoui. J'avais remarqué qu'il semblait pas tellement réjoui de l'avoir, l'Amstan. Et effectivement, aujourd'hui, on le voit, Ali Hassan qui défend Adnan Ar'ur, l'Amstan. Et pourtant, Adnan Ar'ur, il n'y a pas un endroit où il va, excepté qu'il dénigre, qu'il rabaisse les salafiyins. Je me rappelle quand Adnan Ar'ur est venu à Montréal, une fois dans la mosquée sur Jean Talon. Dar al-Arqam à l'époque, mais c'était pas là où elle est maintenant, c'était un petit local que les frères avaient. Subhanallah. Et quand il est venu, nous on essayait de faire en sorte que les gens commencent à connaître ou apprendre la salafia. Et lui, donc, il est venu faire ses conférences. Et au lieu de défendre la salafia puis d'encourager les frères, eh bien, il n'a fait que les casser et que les descendre, Allah musta'an. Donc ça c'est des exemples de cet individu Adnan Ar'ur, qu'Allah le guide. Donc cette réfutation là c'est Cheikh Rabi aussi qui l'a écrit. Donc il y a un autre livre aussi qui est le livre 28, Daf'u Baghi Adnan ala Ulama al-Sunnah wal-Iman. Donc ça c'est une autre réfutation, celle-là je la connais pas, mais c'est une des réfutations que Cheikh a écrit contre Adnan Ar'ur. Le livre numéro 29, نقد كتاب الثقافة الإسلامية وهو كتاب يدرس في عدد من الجامعات في المملكة وهو من تأليف مجموعة منهم عبد الرحمن حبنكة ومحمد الغزالي ومحمد قطب وهو منشور على شكل مذكرة. Donc ça c'est un livre qui est une critique des livres de la culture islamique. C'est une matière qui est enseignée en Arabie Saoudite. Ça s'appelait la culture islamique. Et dans ce cours-là, il faisait lire dans les universités, il faisait lire quelques écrits de différents, qu'est-ce qu'ils appellent les penseurs islamiques. Hein, on sait qu'il n'y a pas de telle chose dans l'islam, mais bien entendu, ce sont tous ces penseurs, tous ces écrivains des Ikhwan qui écrivent des livres et qui propagent leurs égarements dedans, comme Abdurrahman Habannaka et Muhammad al-Ghazali, Muhammad Qutb, le frère de Sayyid Qutb. Et ils ont donc assemblé ces différents textes ou différents passages de leurs livres, et puis ils donnaient ça aux livres aux élèves pour lire. Et donc il y a plein d'égarements dans ces passages-là. Cheikh, il a fait la critique de qu'est-ce qui est dans ce livre. Le livre numéro 30, Ma'akhiz Manhajiyya ala Cheikh Safar al-Hawali. Donc ça c'était un livre que Cheikh Rabi il a écrit pour réfuter certaines erreurs de manhaj de Safar al-Hawali. Un autre livre également, bon, Safar al-Hawali, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des compagnons de Salman al-Awda, parmi les sururiens de l'Arabie Saoudite, un des gens, parmi les gens qui ont propagé les idéologies des takfiriens en Arabie, puis un peu partout dans le monde. Donc c'est les gens qui suivent la méthodologie des harakiyin, des hizbiyin saoudiens, hein, des sururiya qu'on appelle. Le livre numéro 31, Nazaratun fi kitab taswir al-fanni fi al-Qur'an al-Karim li Sayyid Qutb. Donc ça c'est un livre que Cheikh Rabi a écrit. Il critique dans ce livre un des livres de Sayyid Qutb qui s'appelle Taswir al-Fanni, la représentation artistique dans le Coran. C'est Sayyid Qutb qui l'a écrit. Donc, Cheikh, il fait la critique de ce livre-là, parce que Sayyid Qutb, dans ce livre, il compare le Coran à une sorte de symphonie, puis il compare ça à un genre de cinéma ou de je sais pas quoi, en tout cas Rammstein, il mélange les choses. Donc Cheikh il l'a réfuté dans ce livre là le livre numéro 32, موقف الاسلام من عيسى عليه السلام وتقتضي من النصارى ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به مع نصيحه ودعوه للبابوات الى الاسلام. Donc c'est un livre que Cheikh il a écrit pour expliquer la position de l'islam envers Isa, alayhi salam, et elle implique de la part des chrétiens qu'ils croient en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en ce qu'il a amené, avec également la nasiha et l'appel ou l'invitation qu'il a fait au pape à l'islam. Le livre numéro 33, Al-Mawqif al-Sahih min Ahli al-Bida. Donc ça c'est un livre qu'il a écrit le cheikh. La position correcte de la position correcte envers les gens de Bid'a. Le livre numéro 34, Dahd iftira'at Ahl al-Zayr wal-Irtiyab an da'wat al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah naqdun li Hassan al-Maliki. Donc ça c'est un livre que Cheikh Rabi il a écrit, c'est pour réfuter ceux qui, c'est-à-dire c'est pour réfuter un égaré parmi les Rafida qui se prétend être parmi les gens de la Sunna, mais c'est un Rafidi et c'est un Soufi égaré qui s'appelle Hassan al-Maliki en Arabie Saoudite, et il a écrit un livre pour critiquer Muhammad ibn Abdul Wahhab au sujet de son livre Kashf al-Shubuhat, et il prétend que c'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui a fait la propagation du takfir dans ce livre-là. Donc le cheikh Rabi il lui a répondu avec ce livre, et ce livre est préfacé par cheikh Al-Fawzan et également par le cheikh Zayd Al-Madkhali, si je ne me trompe pas. Un autre livre également, c'est le livre 35 qui s'appelle حجية خبر الآحاد في الأحكام والعقائد. Un très bon livre également qui réfute les gens de Bid'a qui rejettent soit la sunna en entier ou qui rejette une partie de la sunna et qui se base sur la distinction qu'ils font entre les hadiths mutawatir et ahad, c'est-à-dire les hadiths qui sont rapportés par un très très grand nombre de personnes et un hadith qui sont les hadiths qui sont rapportés par une ou deux personnes qu'on appelle ahad. Eh bien, Cheikh, il répond à ça et il explique que la position d'Ahl-Sunna là-dedans, c'est de prendre tous les hadiths authentiques, qu'ils soient mutawatir ou qu'ils soient ahad, et de les accepter et de les prendre, que ce soit dans l'aqida ou dans les règles de la religion, et que ça fait partie de ce qui est qu'est-ce qui fait partie de la religion qu'on doit accepter, et que donc cette distinction là c'est la distinction des Mu'tazila en particulier et ceux qui les ont suivis. Le point numéro 36, radd kull al munkarat wal ahwa wal akhta manhaj shar'i fi kull al risalat wa sar 'alayhi salaf al salih al ajla. Donc ça, c'est un livre qui explique que le fait de réfuter les péchés et les passions et les erreurs, c'est une méthodologie qui fait partie de la révélation, qui fait partie de la charia dans tous les messages des prophètes, et que c'est quelque chose que nos salaf salih ont suivi. Et ça, c'est pour faire comprendre que la méthodologie de Cheikh Rabi', elle est établie sur des fondements et des principes établis dans le Coran et dans la Sunna, et dans la parole des salafs, et dans la méthodologie des ulama d'Ahl-Sunna depuis des siècles. Donc, même si quelqu'un essaie tous ses efforts pour essayer de faire tomber Cheikh Rabi', ou pour essayer de trouver des fautes chez le Cheikh, il ne peut pas atteindre le manhaj du Cheikh, puisque ce manhaj, il est extrait directement de la religion, du Coran et de la Sunna. Donc, si quelqu'un a un problème avec le manhaj du Cheikh, il a en réalité un problème avec l'islam. Et donc le cheikh, il y a un autre livre aussi qu'il a écrit, le numéro 37, Al-Hukuk wal-Wajibat ala al-Rijali wal-Nisa'i fi l'Islam. C'est un livre que le cheikh a écrit qui réfute les féministes, hein, ceux qui essaient de prétendre que les femmes doivent se libérer de l'islam ou réinterpréter l'islam pour être en accord avec les idées des femmes occidentales aujourd'hui qui veulent la liberté, et ainsi de suite. Donc le cheikh, il n'a pas laissé personne, même les laïcs, même les féministes, tous ces gens-là, il les a tous réfutés, sans exception. Donc c'est la réponse qu'il a écrite à une femme. C'est un livre qui a été traduit en français, celui-là je l'ai vu. Ça s'appelle « Les droits et les obligations pour les femmes et pour les hommes et les femmes dans l'islam ». Et j'ai lu cette rissa-là dans un cours en français, les droits et les devoirs des femmes, vous le retrouverez sur mon site. Il y a un autre livre, 38, Al-Dhabu an al-Sahabi al-Jalil Abi Bakr wa an marwiyatihi an a'immat al-Islam alladhina qabilu hadhihi al-marwiyat. Donc ça, c'est une défense d'un Sahabi qui s'appelle Abi Bakr et de ses narrations, et également une défense des imams de l'islam et de la sunna qui ont accepté ces narrations-là. Et souvent, les gens qui rejettent le hadith d'Abu Bakr, c'est parce que Abu Bakr, il a rapporté un hadith qui dit que la femme, elle ne peut pas être à la tête d'une nation ou bien être le chef d'État. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que une nation n'aura jamais le succès si elle prend comme son dirigeant une femme. Et donc les laïcs et les hezbiyyines et tous ces gens-là qui appellent à soi-disant à la démocratie dans l'islam, des choses de ce genre, ils se sentent embarrassés par ce hadith-là parce que ça les empêche de défendre les idées des koufars auxquels ils essaient de faire plaisir. Donc, ils essaient de critiquer le hadith en attaquant le sahabi Abu Bakr. Et ça, c'est un exemple. Je ne sais pas si on aura le temps de tous les terminé parce qu'il en reste encore beaucoup, mais on va essayer de faire ça vite. Majmou' Rudud al-haf 'ala al-mawadda wal-ikhtilaf wat-tahdhir min al-furqati wal-ikhtilaf. Ça, c'est un autre livre de Cheikh Rabi' qui parle, qui incite à l'amour et au rapprochement et à l'unification et qui avertit contre la division et la divergence. Un très bon livre aussi. Ensuite, il y a Majmou' Rudud Cheikh Rabi' ibn Hadi المدخل على أبي الحسن المأربي من إعداد دار الإمام أحمد في مصر مجلد كبير يحتوي على 18 مقالا في الرد على أبي الحسن المأربي. Donc ça c'est un recueil de lettres ou de textes écrits par Cheikh Rabi' pour répondre à Abu al-Hassan al-Ma'ribi, et c'est dans un gros volume, il y a 18 textes dedans, écrits par Cheikh Rabi' pour réfuter Abu al-Hassan al-Ma'ribi. Et les idées d'Abu al-Hassan al-Ma'ribi, c'est justement d'essayer de faire plaisir aux Hizbiyin et aux gens de Bid'a, et de ne pas les écarter, de ne pas les exclure des gens de la Sunna, et de faire croire aux gens que de les exclure de la Sunna, c'est d'être trop dur, qu'il faut des choses de ce genre. Donc ça, c'est les réponses de Cheikh Rabi' contre celui-là. Il y a aussi un livre qui est très bon aussi, qui s'appelle « Kashf Zayf al-Tasawwuf wa bayanu haqiqatihi wa hal hamalatihi » حوار مع الدكتور القاري وأنصاره وهو جمع لمقالات الشيخ ربيع ضد التصوف والصوفية. Donc ça c'est un très bon livre qui a été écrit par le cheikh pour réfuter les falsifications et les faussetés des soufis et d'expliquer leur réalité et les gens qui portent le soufisme aujourd'hui. Et c'est la réfutation ou un dialogue qu'il a eu avec Al-Qari et ceux qui le défendent. C'est ceux qui essaient de dire qu'il y a, un mauvais soufisme, mais il y a un bon soufisme aussi. Puis il ne faut pas critiquer le soufisme de façon générale. Il y en a quand même qui sont en accord avec la sunna, et ainsi de suite. Le cheikh, il les réfute d'une façon vraiment solide, et il clarifie leur mensonge et leur falsification de la réalité. Et il explique qu'il n'y a pas de bon soufisme, mais que depuis que c'est du soufisme, c'est de l'égarement et de la bid'a, à différents degrés bien sûr. Donc il fait une très belle réfutation dans ce livre-là, un des meilleurs livres que j'ai lu sur la question. Et il y a aussi un des fils de Cheikh Rabi', Cheikh Mohammed bin Rabi' al-Madkhali. Il a deux fils, Cheikh Rabi', il a deux fils, et les deux s'appellent Mohammed. Les deux fils de Cheikh Rabi' s'appellent Mohammed. Donc, c'est pour dire, quand il y avait une histoire qui était mentionnée une fois, il y a un cheikh égyptien à l'université qui... il était en voiture avec Cheikh Rabi' et le cheikh égyptien a dit à Cheikh Rabi' est-ce que c'est vrai que... les Wahhabis, ils n'aiment pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Rabi, quand il a entendu ça, il a freiné. Il a été étonné parce qu'il a dit, depuis toutes les années que je connais ce cheikh et qu'il enseigne à l'université islamique, je m'étonnais. Mais le cheikh, il posait cette question-là comme ça. Si je me souviens bien de l'histoire, le cheikh lui a répondu, il a dit, moi j'ai deux fils. Et les deux, je les ai appelés Mohammed. Donc c'est pour dire, comment tu pourrais imaginer que nous on n'aime pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au contraire. Mais les soufis, ils pensent que si on va pas, le cheikh lui c'était pas un soufi, mais c'est juste pour donner l'exemple, il y en a des soufis, ils pensent que si tu vas pas adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme les chrétiens adorent Jésus, que ça veut dire que tu n'as pas de respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est l'extrémisme de ces gens là Donc le point numéro 42, القول الواضح المبين في المراد بظل الله الذي وعد به المؤمنين العاملين مع دفع بهت وكيد الخائنين عن العلامة محمد بن عثيمين. C'est un livre que le cheikh il a écrit pour réfuter les gens qui attaquaient le cheikh Mohammed ibn Uthaymeen et qui mentaient à son sujet, au sujet de la question de l'ombre d'Allah, le jour où il couvrira certains de ses serviteurs par son ombre. Donc il clarifie la question dans ce livre-là avec les preuves et les paroles des ulama et ainsi de suite. Très très bon livre aussi. Le livre numéro 43, Sharh Usul Sunnah de l'imam Ahmad, c'est l'explication donc des fondements de la Sunna de l'imam Ahmad. Très bon livre. Bara'at al-Sahaba الأخيار من التبرك بالأماكن والآثار وهو كتاب كبير في الرد على كتاب الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القاري سماه بالآثار النبوية بالمدينة المنورة ووجوب المحافظة عليها wa jawaz at-tabarruk biha. Donc Cheikh Rabi il a réfuté un livre écrit par Abdul Aziz Al-Qari qui défendait les ce qu'ils appellent ils appellent ça les chrétiens aussi, ils ont ça, c'est des reliques, hein, ils appellent ça des reliques, hein, de défendre, de protéger nos reliques ou nos trucs, en tout cas c'est des endroits que les soufis utilisent pour chercher la baraka. Il y en avait certains de ces endroits-là à Médine où les gens allaient, comme un endroit qu'on appelait Sab Masajid, et d'autres endroits, ils vont là-bas, et s'il y a des dômes là-bas, et puis ils se frottent là-dessus pour chercher la baraka. Et quand on voulait les détruire, ils ont dit non, ça c'est nos reliques, c'est nos reliques, on a le droit de chercher la baraka de ces choses-là, il faut les préserver. Et il y en a plein comme ça qui essaient d'appeler les musulmans à dire non, il faut défendre ils disent notre patrimoine, c'est notre héritage culturel, il faut pas les détruire, hein, ils utilisent toutes ces ruses-là. Mais bon, le cheikh, il a écrit le livre pour, innocenter les sahaba de ce genre de d'égarement et de bid'ah et ainsi de suite. Un autre livre, Dirasatu Aqwal al-Ulama fi Hadith, Arham Ummati bi Ummati Abu Bakr. Il explique qu'est-ce que les ulama ont dit sur ce hadith-là. Un autre livre, c'est Ad-Din al-Nasiha. Il explique le hadith dedans. Un autre livre qu'il a écrit, numéro 47, Tadhkir al-Nabihin bi Sirati Aslafihim, Huffaz al-Hadith al-Sabiqin al-Lahiqin. Un autre livre dans lequel il explique l'histoire des salafs et des ulama de hadith. Le livre numéro 48, Majmou' al-Wadih fi Raddi ala Manhaj wa Usul Falih. Ça, c'est un recueil de livres qui réfute les haddadiyya, hein, et qui réfute ceux qui exagèrent dans la critique, et qui rentrent même dans la critique des ulama, hein, et qui dénigrent toute personne qui est sur la sunna parce qu'il fait une erreur, il le dénigre et il le rabaisse au plus bas des niveaux, hein. Donc ça, c'est le manhaj de Falih al-Harbi, et c'est le manhaj de Mahmoud al-Haddad, et c'est le manhaj de tous les haddadiyya qui suivent cette voie-là aujourd'hui, comme le site qu'ils ont qui s'appelle Al-Athari, et il y a un autre site aussi qu'on m'a dit qui dernièrement qui s'appelle Al-Afaq, hein, et des sites de ce genre-là, c'est des sites de gens qui sont en opposition avec la sunna, qui détestent, hein, les ulama salafiyin. Et donc c'est des gens d'égarement et d'exagération. Donc il y a beaucoup de gens qui confondent justement entre les salafiyins et le manhaj de ces gens-là. La même chose aussi avec le manhaj de Yahya al-Hajouri au Yémen. La même chose, hein, l'exagération et l'extrémisme. Ici, il y en avait un qui le suivait à Montréal. Quand il est venu, il a dit il n'y a pas de salafi à Montréal, il n'y a que des... Jabiriyin, en voulant dire que des gens qui respectent Cheikh Ubayd al-Jabiri, donc pour lui, c'est des Jabiriyin. Donc il n'y a pas de salafi à Montréal. Donc ça, c'est des exemples de l'extrémisme de ce genre de personnages. Le livre numéro 49, Kashf Zayr al-Tashyi', ou al-Tashayyu', pardon. وهو جمع لمقالات الشيخ في الرد على الشيعة. Donc c'est son recueil de livres de réfutation contre les Rafida. Donc il a aussi réfuté les Rafida. Livre numéro 50, الانتصار لكتاب العزيز الجبار والأصحاب الأخيار رضي الله عنهم على أعداء الأشرار. C'est un livre aussi de réfutation contre les Rafida. Un très très bon livre aussi du Cheikh. Et on voit donc, après avoir fait tout le tour, que le cheikh, il n'y a pas un groupe ou une secte ou une tendance que le cheikh il n'a pas réfuté. Il a laissé personne, hein, parmi les gens des garments. Et il a aussi d'autres livres comme le Sharh de Al-Aqida, Sharh Aqidatu Ahl Sunna wa Ashab Al-Hadith de l'imam As-Sabuni. Il a fait le Sharh de ce livre. Il a aussi fait le Sharh de Sunna de l'imam Al-Barbahari qui est publié. Le Sharh de Aqidatu Raziyin aussi qui est publié, et il y en a plein d'autres nouveaux livres qui commencent à être publiés de plus en plus. Donc Jazakallahu khayran an al-islam wal muslimin khayran. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on a dépassé le temps, mais bon, ça valait la peine parce qu'on voulait terminer les titres de livres et tout ce qui a rapport avec ça. pour aujourd'hui. La prochaine conférence, Inch'Allah, jeudi prochain, Biznillah, ça va être sur les paroles des ulama de notre époque au sujet de Cheikh Rabi' et comment ils ont parlé de Cheikh Rabi'. On va tout savoir à propos de cette question-là et à ce sujet-là dans la prochaine conférence, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته